RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et bien voilà, chose promise, chose due, on attaque cette deuxième heure donc de Motors tout de suite avec un pilote, avec un personnage d'un calibre important à qui on va souhaiter tout de suite un très chaleureux anniversaire. Bon anniversaire Sébastien Bourdet. Merci, bonjour. Salut Seb. Bon, comment tu vas fêter ça? Tiens, on va rester dans le domaine privé. Petite fête en famille là, ou grosse très, fête? Très calme là, ouais. Avec l'arrivée du petit nouveau, les nuits sont courtes donc il n'y aura pas de grosse fête cette année. D'accord, on va gérer. Bon, alors écoute, le programme a été dévoilé donc en début de semaine, hein, pour ce qui te concerne, bien évidemment, on te retrouve dans cette équipe Peugeot, aux côtés de Stéphane Sarrazin et de Franck Montagny, dans cette Peugeot 908 que tu avais brillamment menée à la deuxième place l'an dernier. Alors, j'allais dire, on enfonce les portes ouvertes, évidemment. Pour toi, l'objectif cette année, c'est de grimper d'une marche. Ouais, l'objectif, c'est le même que l'année dernière, hein. C'est-à-dire que, faut que ce soit dans un premier temps une Peugeot qui gagne, et puis de préférence, que ce soit celle dans laquelle je roule, tout simplement. Donc, les équipages ont été un peu remaniés. Je serai avec Pedro Lamy et Simon Pagenaud cette année, et je crois que les trois équipages pourront s'imposer, donc il faudra avoir le petit coup de réussite qu'on n'a pas eu en 2009. Exactement, alors le petit nouveau, dans l'équipe officielle en tout cas, hein, puisqu'il avait un petit peu roulé sur la Peugeot confiée à l'équipe Pescarolo, c'est Simon Pagenaud. Pedro Lamy, on le connaît bien depuis longtemps, le talentueux pilote portugais. Tu le connais bien Simon, je crois que vous êtes assez copains. Ouais, on est plutôt copains, ouais, parce que on a passé pas mal de temps aux US ensemble, et puis je l'avais aidé un petit peu quand il était arrivé, et on a la même façon de voir les choses, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a, je pense, un équipage très homogène, avec en plus Pedro que je connais bien puisqu'on avait fait les 24 heures ensemble en 2007, et je crois qu'on a vraiment un équipage qui peut peut-être créer un peu la surprise. Alors Seb, je sais que vous avez déjà mené des séances d'essai, hein, très complètes, très longue, très difficile, au Paul Ricard notamment, avec l'équipe Peugeot. Ta prochaine épreuve, ce sera Sebring en mars, si je ne m'abuse, hein, où tu seras associé précisément à Pedro Lamy, dont tu parlais, et à Nicolas Minassian, qu'on aura en ligne dans quelques instants. Alors Minas aussi, c'est quelqu'un que tu apprécies particulièrement en tant que pilote, mais en com, hein. Non, Nico, c'est un bon copain aussi. On se connaît depuis très longtemps, puisque à ses tout débuts, il avait fait un petit peu de Clio Cup, et je l'avais rencontré à cette occasion-là. Et puis après on s'est rencontrés en Formule 3000 sur la piste, et puis on a fait 24 heures ensemble. Donc moi je dirais qu'il y a pas mal d'histoires entre nous, et ce sera assez sympa si on arrive à gagner ces 12 heures de Sebring, ce qui est vraiment un objectif aussi. Absolument, tu seras content de retourner aux États-Unis, revenir là-bas sur les terres de tes exploits en IndyCar avec tes 4 titres, hein, on le rappelle. C'est particulier l'ambiance là-bas à Sebring. Ouais, Sebring, c'est une grosse classique de l'endurance, mais c'est vrai que c'est aussi et surtout une grosse fête. Et c'est vraiment très sympa de démarrer notre saison avec Peugeot là-bas. Donc j'espère que tout se passera bien et qu'on pourra en profiter, et que ça apportera les résultats que tout le monde attend. Et ce sera en direct sur Motors TV, hein, l'intégralité de la course, il faut le rappeler, puis on en parlera évidemment dans cette émission Motors sur RMC. Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Seb, on a récupéré Nicolas Minas également, et vous partagez autre chose qu'une voiture en commun. Bon anniversaire également, Nicolas Minassian. Ouais, merci. Bon anniversaire à toi aussi, Sébastien. Ouais, bon anniversaire, Nico. Ça, c'est du direct live, hein, là, les gars. Vous n'allez pas faire la fête aujourd'hui ensemble, hein, donc on l'a dit, Nicolas, puisqu'il va rester en famille calmement avec le petit dernier, Seb, pardon. Ouais, il a bien raison. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tiens, quel est ton programme pour cette fête-là? Toi aussi, familial ou un peu la fête avec les copains? Alors, hier soir, j'étais au pub. Et jusqu'à 11h, et puis aujourd'hui, j'ai ma femme qui me prépare un petit Sunday roast, comme ils appellent ça en Angleterre. Ouais. Et puis voilà, je suis avec, il y a mon beau-frère, il y a ma fille et ma femme. Voilà, tranquille quoi. Bon, on sait que tu as déjà participé aussi, Nicolas, à de nombreuses séances d'essai de développement. On le disait avec Sébastien à l'instant. Alors, je vais vous demander à tous les deux, comment vous appréhendez ces séances? Justement, il y a un planning établi par les ingénieurs. J'aurai Bruno Famin en ligne, hein, tout à l'heure. On va en parler avec lui des évolutions techniques. Mais comment se présente le programme? On commence avec toi, Nicolas. Comment vous travaillez? Et est-ce que vous travaillez de la même manière? En fait, il y a un programme établi pour... En fait, c'est... Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de tirer plus de 24 heures tout ce qu'il y a techniquement sur l'auto. Donc, c'est des essais qui durent plus de 24 heures. Donc, on fait un kilométrage un petit peu plus élevé pour savoir un petit peu au niveau des pièces, la tenue des pièces sur la longue durée, pour essayer de les fiabiliser un peu plus que les 24 heures. Et puis après, en fait, on fait une journée de setup, la première journée d'essai pour trouver un bon setup qui convienne à tout le monde. Et puis après, on attaque le lendemain les essais sur à peu près 30 heures, quoi. Donc en fait, donc on se relaie tous, deux teams. Il y a deux teams, en fait. Par exemple, là, on a roulé au Paul Ricard cette semaine. Et c'était le team de la voiture numéro 1 et le team de la voiture numéro 2. Donc on fait à peu près 8 heures chacun. Et on se relie entre pilotes pour essayer de travailler tous ensemble et se mettre en harmonie tous ensemble. Voilà. Oui, Seb, je sais que ce qui est important, Olivier Quesnel l'a dit lors de la présentation, c'est que chaque pilote arrive avec un kilométrage, un potentiel technique et pratique avec l'équipe à peu près équivalent. Alors toi, tu adores cette mise au point, ces séances de développement, et c'est très important. Tu as toujours apprécié ça dans toutes les disciplines dans lesquelles tu es passé. C'est plus compliqué, Seb, en endurance, parce qu'il faut faire des compromis. Par exemple, vous allez partager la voiture avec Pedro, on l'a dit, avec Nicolas, à Sebring. Est-ce que vous aimez la voiture réglée pareil, Seb? Probablement pas, non, mais bon, c'est vrai qu'on trouve toujours un terrain d'entente, et puis je dirais que bon, sur les épreuves d'endurance, vu que la piste évolue pas mal, de toute façon, l'équilibre parfait, on l'a assez rarement, donc on essaye de faire quelque chose qui, bon, au début, est peut-être un petit peu survireur, au milieu de la course, pas mal équilibré, pour être pas vraiment pas à côté du coup quand c'est money time à la fin et que c'est la bagarre, donc... Bon, c'est vrai qu'après, il y a l'ordre des pilotes qui peut être un petit peu décidé par rapport aux affinités de chacun et comment la voiture se retrouve au départ et en fin de course, quoi. Donc il y a des fois des petits compromis à faire, mais c'est aussi ça l'endurance et c'est ce qui fait son charme. Alors ce qui est important aussi, c'est pendant l'hiver, bien sûr, c'est de soigner la condition physique. Alors même si peut-être tes nuits sont un petit peu hypothéquées en partie pour le moment à cause du bébé, je ne sais pas comment ça se passe, tu continues ton programme habituel de développement, celui que tu as suivi pendant plusieurs années, ou tu l'as modifié un petit peu? Non, bah, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai acquis une base que j'entretiens, tout simplement. Donc, il n'y a pas un gros travail, mais il y a un travail, assez permanent, en gros, 3-4 séances par semaine de foncier, un petit peu de muscu, et puis ça permet d'entretenir la forme sur le long terme. Et toi, Nicolas, tiens, tant qu'on est dans le registre, comment tu t'entraînes physiquement? Je ne parle pas du pub hier soir, je parle du reste. Non, ben moi en fait j'ai une routine, en fait je me prends un préparateur physique une fois tous les deux ans. Mm-hmm. Donc l'année dernière j'avais un préparateur physique en anglais avec qui j'ai bossé pendant plein d'années qui me met des coupies au cul. Donc ça te fait bosser un peu plus hard que ce que tu fais tout seul. Et puis la deuxième année je suis le programme que j'ai fait l'année passée, et puis en fait je fais quatre séances par semaine. Je fais deux séances de vélo, une séance de natation, une séance de course à pied, et puis un petit peu de muscu. Mais je fais beaucoup d'aéro, hein, d'aérobic, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui m'entretient bien dans la voiture. Après, musculairement, je m'entretiens juste un petit peu, quoi, voilà. Et toi, Seb, tiens, tant qu'on est dans le planning, je sais que tu fais énormément de vélo. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais aussi du stretching, de l'aérobic, d'autres choses? Quel est ton programme? Bon, ça dépend, c'est un petit peu plus à l'envie, parce que bon, c'est vrai que sur le long terme, quand on n'a pas d'objectif physique spécifique, c'est toujours difficile de garder vraiment l'envie. Donc moi c'est je varie entre la course à pied, le vélo de route, le VTT. Quand je commence à me lasser un peu de quelque chose, passe sur autre chose, et puis ça permet de pas toujours mobiliser exactement les mêmes groupes musculaires, donc c'est aussi bien de pouvoir varier un peu. Alors avec toi toujours, Seb, on sait que Audi a été profondément vexé de sa défaite, hein, l'an dernier, il faut bien l'appeler comme ça, face à Peugeot aux 24 heures du Mans. Alors à Sebring, Audi sera pas là a priori, hein, donc l'objectif, tu l'as dit, ce sera de remporter la victoire, bien sûr, Seb, mais évidemment sans avoir la référence immédiate, en tout cas vos adversaires directs en face. Ce sera plus difficile ou plus facile? Bah forcément, ce sera plus facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera simple. Bien au contraire, on ne sera pas tout seul. Et puis, il ne faut pas oublier que Sebring, ce n'est pas vraiment la version dans laquelle la 908 s'exprime le mieux. Je crois que c'est une voiture qui est quand même typée extrêmement Le Mans. Et donc, dans sa version appuyée, on est un peu moins performant que dans sa version Le Mans. Et je crois que c'est surtout la grosse nécessité de faire des courses, de motiver tout le monde, d'aller à la bagarre et puis de préparer les équipes et la voiture au niveau fiabilité, même si le package aéro sera très différent au Mans. Oui, Nicolas Binassian, bien sûr, Sebring, c'est particulier. On sait que ça tabasse beaucoup, hein, sur la piste. Alors après, il y aura les trois 908 alignés à Spa-Francorchamps avec les mêmes équipages que dans la Sarthe. Ça, c'est la vraie répétition des 24 heures, on est d'accord, hein. Ah ben ça va être après Sebring où en fait toute l'équipe va bosser pour se mettre un peu en marche quoi, surtout pour faire les paris au stand et puis la motivation, surtout que tout le monde soit motivé pour faire des courses, c'est toujours différent. Il y a surtout la pression qui fait beaucoup de choses. Quand tu travailles sous pression, tu travailles un petit peu différemment, donc ça permet à tout le monde de se mettre en place. Et puis Spa, ça va être une grosse bagarre parce qu'en fait il y a aussi la Peugeot Orica, il y a trois Peugeot à nous, il y aura trois Audi, il y aura Aston Martin, il y aura beaucoup d'autos. Et puis avec les équivalences qui ont changé un petit peu cette année, je pense que ça va être vachement rapproché avec essence diesel. Et puis Spa, avec autant d'autos sur le circuit, ça va pas être facile. Et puis ça va nous permettre nous de nous caler dans le trafic et de prendre nos marques un peu pour tout le monde quoi. Alors Spa, Seb, c'est un de tes circuits favoris, hein, on le sait, hein. Tous les pilotes de F1 disent ça avec Suzuka. Globalement, tu te réjouis de te retrouver là-bas en configuration Le Mans et probablement là avec vos adversaires directs. Ouais, ça va être comme le disait Nicolas, la grosse bagarre sur un circuit que tout le monde affectionne particulièrement parce que c'est un des plus beaux tracés naturels en Europe, je crois, avec Silverstone. Bon, Le Mans étant vraiment à part, pour moi, ça reste quelque chose de pas trop qualifiable et pas trop comparable. Et puis bon, il y a aussi pour moi Elkhart Lake aux États-Unis, mais c'est vrai que quand on arrive à Spa, ça respire quand même quelque chose de différent. Et bon, c'est avec une auto comme la 908, ce sera ma première fois là-bas avec la 908, mais je crois que ça va vraiment être très sympa. Et ouais, c'est clair. Alors un dernier mot à chacun. Est-ce que vous avez un programme en parallèle du programme avec Peugeot, Seb? On t'avait vu notamment en GT1, en championnat de France GT l'an dernier. Est-ce que tu as des pistes? Comment vas-tu compléter éventuellement ton programme cette saison? Bah, le championnat de France GT, c'était surtout avec Jacques Lecomte une petite histoire entre nous et puis c'était sympa de pouvoir revenir comme ça. Et puis à côté de ça, surtout d'essayer de retrouver un autre programme qui m'occupe un peu le reste de l'année, pourquoi pas avec Super League si une opportunité s'ouvre quelque part. Donc on va continuer de creuser, mais pour l'instant il n'y a rien de finalisé. Merci beaucoup Seb, évidemment l'antenne t'est ouverte hein, dès que tu as une actu. Nico, même question, toi tu travailles aussi sur un programme complémentaire à côté du programme Peugeot? Pour ma priorité, de toute manière, c'est avec Peugeot parce que comme je suis sous contrat avec eux en tant que pilote officiel comme ces trois dernières années, ma priorité c'est Peugeot. Après, s'il y a des bonnes opportunités qui se présentent, je les regarderai et puis je verrai si ça vaut le coup. Moi, je veux courir si j'ai des possibilités de gagner. Après, si c'est juste pour faire de la course, ça m'intéresse pas trop, quoi. Nickel, merci beaucoup Nico Minassian, Nicolas, merci beaucoup à Sébastien Bourdet et à nouveau bon anniversaire à tous les deux puisque c'est aujourd'hui. Vous restez avec nous, naturellement on va retrouver dans un instant Stéphane Sarrazin et Bruno Famin, le directeur technique de cette équipe Peugeot, avant, vous le savez, dans la dernière partie de l'émission, de parler de moto bien évidemment, du championnat du monde Superbike et des essais du MotoGP. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Vous êtes bien dans Motor sur RMC comme tous les dimanches entre 12h et 14h et moi aussi je peux vous dire que je suis bien avec vous, c'est un vrai régal de partager ces deux heures de passion des sports mécaniques. Alors on avait à l'instant Sébastien Bourdet, Nicolas Minassian, et bien on va retrouver tout de suite un autre pilote de cette équipe Peugeot lancée à l'assaut des victoires et notamment de celle des 24 heures du Mans, c'est Stéphane Sarrazin bien sûr. Salut Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans cette émission. Alors, écoute, un petit peu les mêmes questions en deux mots, mais j'aimerais que tu m'apportes ton éclairage. Comment travaillez-vous pendant ces séances d'essais qui se développent et c'est très long pour tester finalement jusqu'à la rupture le matériel que vous avez entre les mains, les séances d'endurance au Paul Ricard, comment ça se déroule? Oui, en fait, des séances donc d'endurance comme celle de cette semaine, c'est on part pour essayer de faire plus de 24 heures. Donc, en général, on vise plutôt 30 heures. Et on essaie de rouler vraiment à un rythme très élevé pour solliciter au maximum la voiture. Et c'est ce qu'on a fait cette semaine. Là, ça s'est plutôt pas mal passé. On essaie de travailler sur la fiabilité, bien sûr, mais en même temps la performance, puisqu'on essaie toujours d'améliorer la voiture. Alors l'auto est magnifique, hein, on l'a vu à la présentation, une nouvelle déco, une nouvelle aéro également sur certains points, notamment du point de vue réglementaire. Est-ce que toi, en tant que pilote, tu sens quelque chose? Et puis on parlera de l'aspect moteur, bien sûr, aussi, puisqu'on sait qu'on a réduit un petit peu la puissance et le couple avec une bride. Donc déjà, en termes de comportement aéro, est-ce que vous avez pu récupérer ce qu'on vous a enlevé quelque part? À niveau aéro, ça n'a pas beaucoup bougé, mais... Les ingénieurs ont vraiment beaucoup bossé et bien bossé, on va dire, parce que la voiture est très, très équilibrée et on va dire comme l'année dernière au niveau du comportement. Mais c'est surtout le moteur en fait qui a bien changé, puisqu'il y a, ouais. y a moins de couple, moins de puissance, et du coup là il faut s'adapter, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que des séances comme le Castellet, c'est bien, parce qu'on roule beaucoup, on passe beaucoup de temps dans la voiture, et ça permet justement de bien analyser et d'essayer de progresser, quoi. Alors, on en parlait avec toi lors de la présentation, on regardait la voiture tous les deux de près, et ce cockpit qui est vraiment minuscule, hein, finalement, il ne faut pas souffrir de claustrophobie, d'une part, il faut le rappeler, et puis c'est un cockpit où il faut que la ventilation se fasse bien. Bon, là, ce n'est pas trop la saison, mais évidemment, au Mans, en plein mois de juin, c'est une autre affaire. Ouais, c'est vrai qu'il peut faire très chaud, comme en 2005, où vraiment, c'était la folie au Mans, et... Bon, maintenant on a la clim, puisque la réglementation nous l'impose. Donc il fait des températures, il fait 37 ou je sais plus combien, je me rappelle plus combien c'est la réglementation, mais c'est très frais, on va dire, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on va dire que c'est pas un problème pour nous, puisqu'on est quand même assez affûté. Alors l'avantage et l'inconvénient finalement d'avoir beaucoup roulé avec cette voiture, hein, pour toi Stéphane, c'est que tu n'es pas au programme de Sebring, hein, a priori. Le premier équipage Davidson Genevurts, et puis Bourdet, Lamy et Minassian sur l'autre. En revanche, tout le monde sera à Spa-Francorchamps. Tu l'attends cette course de Spa avec ce sera la vraie répétition du Mans. Ouais, c'est vrai que Spa ça va être une course importante pour nous, puisqu'il y aura les trois Audi, il y aura Aston et nous. Et ça va vraiment être une course vraiment sympa, je pense, pour nous et puis pour le public. Et ça va être la répétition très très proche du Mans, donc il va falloir être très efficace. Et ça nous permettra de nous roder. Mais c'est vrai que ça me fait un peu râler de ne pas être à Sebring, parce que c'est une belle course aussi, et c'est toujours sympa de la faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est vrai que j'ai beaucoup roulé en essai, donc il faut... que mes collègues roulent beaucoup aussi. Eh oui, c'est normal, malheureusement, c'est la loi du genre, hein, Stéphane. Alors tiens, un mot justement, tu parlais de cette perte de puissance et de couple, et on a Bruno Famin en ligne, hein, qu'on va prendre tout de suite à l'antenne. Est-ce que tu la ressens, toi, en tant que pilote, et est-ce que, sans trahir de secret, ça se lit sur les performances? Est-ce que vous pouvez comparer, par exemple, ce que ce handicap vous cause comme perte de temps sur un circuit comme le Paul Ricard? Ah oui, ça se quantifie directement, puisqu'on a perdu quelques secondes, comme de 2008 à 2009, d'ailleurs. Ouais. Et... ben, l'accélération des virages serrés, ça pousse moins fort, c'est toujours... moi, je préfère quand il y a plus de puissance, c'est toujours plus sympa, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Donc Audi sera dans la même position que nous, et maintenant, c'est à nous de bosser le plus possible et le mieux possible, mais toute l'équipe de Bruno fait un super boulot, et je peux vous dire qu'il laisse rien au hasard, donc... ça doit être sympa. Oui, ça, on peut lui faire confiance, justement. On l'accueille sur cette antenne de Motors sur RMC. Salut Bruno Famin. Oui, bonjour Jean-Luc. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Stéphane reste avec nous pour le moment. Alors, comment tu le chiffres, tu le quantifies? Est-ce qu'on peut le dire? Quelles sont vos bases de référence? Et tiens, on va parler du circuit du Mans. Qu'est-ce que donnent vos simulations par rapport à ce handicap de puissance, on le répète, qui, de manière donc structurelle, vient limiter l'avantage que vous aviez, hein, précédemment sur les moteurs essence? Bien, ce qu'on peut estimer généralement, c'est qu'on va perdre une quarantaine de chevaux du fait de la réduction des brides. Mmh. On estime qu'on va être 2 à 3 secondes plus lent au tour avec ce handicap-là qu'en 2009. Sachant qu'en parallèle, les voitures à moteur essence ont, elles, une bride légèrement plus grande, donc devraient pouvoir gagner une trentaine de chevaux. Donc, peut y avoir un écart de 3 à 4 secondes facile, un écart relatif entre 2010 et 2009, entre les meilleures voitures essence et les meilleures voitures diesel. Donc ça risque d'être extrêmement resserré. Sans parler de la vitesse maxi des Aston qui va être très très très très élevée. Donc un vrai problème dans la ligne droite pour les doubler. Et puis si on n'arrive pas, on risque d'être extrêmement pénalisé sur un tour en fait. Oui, elles étaient déjà très rapides, hein, ces Aston, évidemment, l'an dernier en ligne droite, hein, évidemment elles étaient un petit peu handicapées en termes d'accélération. Alors que sais-tu des Audi, tiens? Parce que eux, pour le moment, ils font du développement mais très secret, hein. On sait qu'ils ont été extrêmement vexés de la correction, on peut dire, que vous leur avez donné l'an dernier aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui se passe et comment tu sens l'évolution de leur côté? Parce que eux aussi, ils ont évidemment les mêmes contraintes, hein, c'est un moteur diesel. Bien sûr, c'est exactement les mêmes contraintes. Maintenant, je crois qu'en plus, ils ont un certain nombre de chantiers ouverts sur l'aéro, sur le châssis, etc. Parce que j'ai quand même bien l'impression que la R15 n'a pas répondu à toutes leurs attentes. Donc, j'ai pas d'infos vraiment fermes, mais ce qu'on entend dire ici ou là, c'est qu'il y a un remaniement assez profond de la voiture, puisque Audi même l'appelle R15+, maintenant, oui, c'est une évolution vraiment importante. Donc, en plus de l'adaptation du moteur à la nouvelle réglementation, c'est clair qu'ils ont pas mal de travail sur la planche, là. Alors comment ça va se traduire en termes de préparation pour le Mans, on n'en sait rien. On attend de les voir à Sebring, parce que s'ils ne seront pas a priori sur la course, il devrait être sur les essais d'endurance après la course, le lundi et le mardi après Sebring. Donc on attend de voir un petit peu ça après, puis on ira bien sûr jeter un petit coup d'œil à la première manche LMS au Castellet, pour voir un petit peu comment se comportent les nouvelles Audi. Et oui, bah ça c'est clair que c'est leur round d'observation. Tu regrettes toi personnellement qu'il ne soit pas présent en course à Sebring, qu'il ne soit pas venu vous affronter ? Je regrette, oui et non, c'est tout. Ça aurait été mieux effectivement, mais nous on va à Sebring, c'est pour préparer la course du Mans. Donc on a l'habitude maintenant, depuis le début du programme, de préparer sans se préoccuper de ce que fait la concurrence. Donc, finissons pas, tant pis. Ça nous empêchera pas de développer notre programme de travail et puis de faire le boulot qu'on a à faire en vue de la préparation du Mans. Tiens, une petite question à Stéphane avant de se quitter. Et en vous remerciant tous les deux, bien évidemment, d'avoir consacré ces minutes sur votre dimanche. Je sais que les moments de répit sont rares. Stéphane, tu préfères rouler, toi, dans une voiture fermée ou ouverte? Puisqu'on rappelle que l'Audi, naturellement, c'est une voiture ouverte. Alors, avoir une voiture fermée, c'est meilleur en aéro, bien sûr, hein. Ouais, en fait, moi ça m'est un peu égal du moment où la voiture va vite, on va dire. Mais dans la 908, je me sens vraiment très bien. Et c'est vrai qu'une voiture fermée, c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus agressif qu'une voiture ouverte. Et peut-être que les voitures dans l'avenir vont être plus fermées que couvertes. Donc voilà, la 908 me plaît beaucoup comme ça. Et je suis à l'aise au volant, je crois que c'est le principal. Bah, t'as raison, c'est qu'elle aille vite, c'est le plus important. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci. Une dernière petite question à Bruno également, justement. Gros changement de réglementation à prévoir pour 2011. Vous l'appréhendez déjà, hein, je crois. Le nom du prototype, c'est la 90X, c'est ça pour 2011? Oui, tout à fait, c'est la 90X. Oui. Et alors, ça va aller dans quelle direction? Je sais que tu ne vas pas pouvoir me dire grand-chose. Ça, c'est clair. Non. Non, on a commencé pas mal à travailler sur ce projet-là en parallèle de la préparation du Mans, même si le Mans 2010 reste l'objectif prioritaire pour l'instant. Mais on espère qu'on aura le moins d'ennuis possible pour sur Sebring et sur les courses de Spa et les quelques séances d'endurance qui nous restent, de manière à se bolider dès que le règlement technique sera sorti, à se bolider sur la 90X pour essayer de la faire rouler avant la fin d'année. C'est le deuxième objectif de l'année après le Mans. Parfait, ben, on attend le premier affrontement en tout cas sur la piste, hein. Ce sera Spa, tu l'as dit, avec les deux équipes au grand complet, puis on attend déjà Sebring, et je le disais tout à l'heure, ce sera en direct sur Motors TV. On en parlera évidemment beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup Bruno Famin, donc merci à Stéphane, et puis on va se retrouver dans quelques instants pour parler moto, et avant on passera évidemment par la case JO avec Clément Zampa, ne vous inquiétez pas, restez avec nous sur RMC. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Allez, il manquait peut-être un moteur à certains Français. Bah oui, j'allais m'y risquer, bien évidemment, du côté des Jeux Olympiques. Mais un moteur, on en a retrouvé un pour parler de deux roues. En tout cas, il est dans le studio, il est avec moi. Mais oui, mesdemoiselles, soyez rassurés. Rodolphe Coisco est en pleine forme. Salut Rodolphe. Bonjour. Ah là, je t'ai fait un lancement. Hein. Là, ah ben bah, bravo, merci en tout c'est cas. C'est du lourd. Enfin, on retrouve de la moto quand même. Hein. Bah, il oui. était temps après bah, oui, cet mais hiver. T'étais parti dans les neiges. Alors qu'est-ce que je te dise, on peut pas tout avoir. Bon, on va parler tout de suite de cette première manche du championnat Superbike qui s'est déroulée aux antipodes, comme l'on dit, puisque c'était du côté de Phillip Island, en Australie, un circuit magnifique, par parenthèse. Circuit magnifique, et puis qui, une semaine au préalable, avait déjà accueilli le Superbike pour des essais d'avant-saison, l'ultime répétition, et puis voilà, un nouveau championnat, un nouveau plateau, de nouveaux acteurs, Ben Spies étant parti vers des contrées autres, c'est-à-dire des contrées du Grand Prix et du MotoGP précisément, eh bien on a revu un petit peu la catégorie, on garde toujours quand même les fondamentaux, Noriyuki Hagashi et Ducati, Michel Fabrizio, et puis surtout le retour de James Hosland, qui a beaucoup à prouver sur une Yamaha après deux années de disette chez Tech 3 en MotoGP, et puis l'arrivée d'un nouveau, le français Sylvain Guintoli, après une saison quand même un peu catastrophique pour lui puisqu'il a été blessé l'an dernier en British Superbike. Oui, à son corps défendant, hein, parce que le produit, il avait été percuté dans un tour de formation. Exactement, mais l'une de ses plus grosses blessures de sa carrière, et il a été rattrapé par le col par Francis Batta pour le mettre au sein de l'équipe All-Star, coéquipier de Léon Aslam, fils de Ron, pour les puristes, ça et vous dira quelque chose. Eh bah, ben, je l'ai bien connu. Et Léon arrive à maturité. Peut-être comme Sylvain Guintoli d'ailleurs, les deux hommes se sont partagés un week-end absolument superbe. Léon a réalisé la super pole, il remporte la première manche, et puis ensuite le duo du team All-Star Suzuki s'est offert un véritable régal sur cette piste australienne avec des dépassements en bout de ligne droite à plus de 300 km/h, et un Sylvain Guintoli radieux, content du travail effectué, et puis qui augure de bonnes choses pour la suite de la saison. Je te propose qu'on l'écoute, hein, peut-être Sylvain Guintoli, qui va nous donner un petit bilan de cette première course. Il y a beaucoup de machines pilotes qui sont proches. Les pneus, du fait De la manière dont ils s'usent, ça permet aux pilotes de se battre, de glisser, d'improviser beaucoup. Donc voilà, ça donne lieu à des belles bagarres comme il y a eu cet après-midi. Sauf que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir pu monter sur le podium, mais globalement, la course a été fantastique, quoi. Ça a été super. Et quand tu peux faire des courses comme ça, batailler pour la tête de la course, on s'est doublé, redoublé. Je savais qu'on avait un bon rythme. Bon, c'est clair qu'on a fait un gros programme d'essais hivernaux. Et moi, pendant les essais hivernaux, j'ai jamais été plus rapide. Et je préfère me concentrer pour développer la moto et puis attendre la course. On a bien bossé sur tout le week-end et puis moi, je me suis mis en mode course, quoi. Voilà, ça a été top. Là, cette deuxième course, je fais le meilleur temps en course et puis je crois que je fais 7 ou 8 tours en tête. Voilà, c'était vraiment une super course. Encore dommage pour la fin de course. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue aussi à la manière dont ces pneus s'usent. Et utiliser le potentiel maximum à la fin. Voilà, je me suis fait peut-être un petit peu avoir à l'expérience là-dessus, mais enfin, en tout cas, ça sera de bon exemple pour la suite. Oui, des très bons débuts hein, pour Sylvain Gattoni. Ah, il est incroyable. À ce niveau, bah oui, parce que aux essais, il était resté un petit peu en dedans, hein, les essais dont tu parlais tout à l'heure, les essais privés, il y a une semaine, et puis là, il sort du bois au bon moment. Donc, 16e en première manche, 4e en deuxième. Exactement, c'est ça, ouais. Alors c'est exactement du Gattoni dans le texte ou sur la piste, si on peut dire, parce que c'est vrai que l'homme n'est jamais quelqu'un d'essai. Et même s'il réalise le 5e chrono. Il n'arrive pas à se motiver, peut-être. Voilà, pour lui, c'est la course, c'est comme ça qu'il arrive effectivement à mettre ce qu'il faut en place dans son cerveau pour être concentré et après vraiment à donner un bon récital. Donc, première course comme ça sur un circuit qu'il connaît pour découvrir la catégorie, comme il l'explique également, avec les pneus, l'usure, il s'est fait avoir en fin de course. C'est vrai que Sylvain, là, pour l'instant, prouve de bonnes choses et le recrutement du Français qui se place en digne successeur de Lacony dans la catégorie. Par le rusé Francis Batta, que l'on connaît depuis exactement longtemps, et aux côtés de Léon Aslam. Alors lui, il fait presque le carton plein, victoire en première manche et deuxième en deuxième manche. Ouais, exactement, et première victoire dans la catégorie de Léon Aslam et première super pole également la veille. Léon qui part de Phillip Island avec la première place au provisoire et la deuxième manche remportée par Carlos Checa. Carlos Checa qui donc revient un peu aux affaires, qui, je le précise, est sur une Ducati privée. Donc ah, Ducati ouais. ne remporte aucune course sur ce week-end. Les Ducati officielles avec Fabrizio Eaga. Ça, c'est important. Ça prouve que les machines complets clients sont toujours des armes redoutables. Alors, cela dit, Phillip Island, fin février, pour le Superbike et l'épreuve d'ouverture, c'est jamais forcément ce qui va se passer concrètement dans la saison. C'est tôt. Et c'est vrai que les vainqueurs ou les gens du podium de ce début de saison sont rarement ceux qui vont être sur le podium final du championnat. Voilà ce que j'allais dire, effectivement, Rodolphe. La prochaine, c'est le Portugal, hein, si je ne m'abuse. Portimao, oui. Fin mars. Et puis après, c'est Valencia. Donc, on attaque la saison européenne. C'est peut-être une épreuve atypique, celle de Phillip Island. On peut la prendre comme ça ou pas? Ouais, parce que ça arrive très tôt, avec après un break. On a l'impression, toujours en Superbike, que tout s'emballe rapidement dès le début d'année. On arrivera rapidement à Phillip Island, après on a un break, on revient sur des tracés européens, auparavant on allait au Qatar, c'est terminé, c'est presque une, on peut dire, une vraie grande séance nature d'avant-saison, parce que la saison commencera probablement à partir de Valence, et puis Monza, déjà qui est le rendez-vous incontournable, va véritablement commencer à donner la traçabilité ou le filigrane de cette saison 2010. Alors tu parlais de traçabilité, tu vas voir que là tu m'as offert un transfert. J'essaye. Hein. J'allais parler des roast beef saignants en Superbike, si tu me vois venir. Il y en a pas, il y en a mais, beaucoup. Ben hein. Voilà, ben oui, parce que James Tosland, anglais, hein, vous me pardonnerez, on adore nos amis britanniques, mais bon, roast beef saignant dans le bon sens du terme, Karl Crutchlow, Jonathan Rea, Léon Aslam, enfin c'est et Léon Camier. Et Léon Camier, tout ça, ça va très très vite. Tout donc, ça sur des machines officielles. Et oui. Ouais. Donc ça veut dire que attention aux Britanniques en Superbike. Bon, on sait déjà que James Tosland, on peut en parler quand même. Hein, c'est le retour de l'enfant prodige, lui. Ouais, déjà et puis, deux fois champion attention, du monde. Le retour de l'enfant prodige, mais surtout là, James, il a beaucoup à prouver parce que tu parlais justement des résultats de course. C'est pas super pour James. Hein, il se mettait beaucoup de pression en catégorie MotoGP. Eh bien, ça a été malheureusement un petit peu dommage pour lui. Résultat blanc en première manche d'ailleurs pour les deux coéquipiers Crutchlow et Tosland, chute pour Crutchlow et puis Tosland également, donc c'est dire que chez Yamaha c'est pas la fête quand même, c'est après le titre de Ben Spies l'an dernier. Ouais. Et puis surtout Tosland termine dixième de la deuxième manche derrière Crutchlow, champion du monde super sport en titre, c'est dire que là Tosland il a beaucoup de travail à faire pour d'une part retrouver son rang dans la catégorie et puis faire voir quand même qu'il a deux titres de champion du monde qui sont pas à mettre au rang des archives. Bah c'est clair. Alors un mot des deux favoris, hein, en tout cas des plus connus, Noriyuki Haga. Ouais. Que se passe-t-il pour le japonais en ce début de saison? Bon, voilà. Voilà, on attend forcément que Haga ait enfin un titre de champion du monde. Ça fait 10 ans qu'il court après. C'est pas forcément l'homme qu'on attend. Il y a du vétéran quand même dans cette catégorie, il faut quand même le souligner. Il y a le syndrome Mamola là, de Randy Mamola. Quatre fois de mémoire, deuxième au championnat du monde 500. On pouvait croire que l'an dernier, effectivement, il avait tout pour lui. Malheureusement, il tombe sur Ben Spies, mais il tombe toujours sur un peu plus fort. Oui, il est moins stratège, il arrive moins à aller gérer la course ou le championnat dans son ensemble. Un peu plus fougueux, un peu plus kamikaze à la japonaise. C'est toujours son credo. Et bien malheureusement, en fin de saison, ça paye pas beaucoup. Il a été un peu victime des choix de Ducati en fin de saison dernière, qui a voulu traiter à égalité Fabrizio et Haga. Ça n'a pas joué pour Ducati, ça a joué pour Yamaha. Et puis après, Max Biaggi, pourquoi pas? Mais attention, alors, là encore. J'allais te parler de l'empereur romain, 38 ans, lui, quand même. Là aussi, il faut que ça décoince. Il faut que ça décoince, parce qu'Aprilia a mis les moyens. Il y a un nouveau sponsor qui est la compagnie aérienne italienne d'Alitalia. Donc, on a mis ce qu'il fallait. Surtout qu'on a arrêté le programme en 250, puisqu'on est passé en moto 2 en Grand Prix. Tout maintenant est mis sur le Superbike pour éventuellement préfigurer le futur en MotoGP pour la marque italienne. C'est le moment ou jamais. L'Aprilia, ce week-end, pas mal. Mais 11e place pardon, sur la grille de départ pour Max Biaggi, 16e pour Léon Camier. Et puis en course, ça fait 5e place en première manche pour le Romain. Et puis 8e, il va falloir quand même encore bosser. BMW s'est fait également prendre cet hiver au niveau des essais qui ne sont pas bien déroulés. Je rappellerai quand même que Tardozzi, ancien team manager de Ducati, passait chez BMW. Beaucoup de travail pendant ce temps-là. Et bien, ça laisse la place libre à ceux qui ont déjà des machines, un staff quand même complet et qui ont l'habitude de ce genre de championnat. Suzuki Alstar, bien sûr. Ducati, Yamaha, va falloir également pas mal bosser pour redorer le blason. Pour revenir à Biaggi, on est quand même pas loin de la fin de carrière, hein, même s'il aime toujours ça, il a la moelle, 38 ans. Alors, Max brille encore, il fait encore des podiums, il faut gagner encore des courses. Il a encore envie, mais bon, il y a un moment. Après, si on prend le plateau et qu'on regarde qui est capable de faire ce que fait Max Biaggi encore, pas son coéquipier l'an dernier, c'était Shinya Nakano, Léon Camier, il arrive du British Superbike. Il va falloir quand même observer. Effectivement, c'est un petit peu le problème de la catégorie où ce sont toujours les mêmes qui arrivent à faire des résultats. Donc, elle est quand même spéciale à gérer et puis à maîtriser cette catégorie Superbike. Alors, Rodolphe, on va parler avec toi maintenant du MotoGP. Alors là, bien sûr, il est question d'essai et notamment de la série de tests de pré-saison à Sepang, hein, avec un Valentino Rossi, je crois, impressionnant, puisque plus rapide des 4 séances. Le dernier temps, là, je crois, si je ne me trompe pas, un tout petit peu plus de 2 minutes, hein, 2 minutes 271 millièmes. Alors qu'en plus, son adversaire direct, Jorge Lorenzo, s'est blessé à la main en motocross. En motocross, absent de ses essais de Sepang, Valentino Rossi qui remet véritablement les pendules à l'heure. Nouveau record de piste à Sepang en Malaisie, 2.00.271 comme tu le disais, avec 39 tours couverts. Ça, c'est quasiment c'est rien, je veux dire, par rapport à la veille. Il est vraiment très rapide. C'est vrai qu'il est descendu sur la barre des 2.0 comme Casey Stoner et comme surtout l'invité surprise de ces essais, c'est Nicky Hayden, qui prouve que la Ducati, si pour l'instant elle reste derrière le champion du monde, est en train de vraiment se réorganiser, parce qu'un Nicky Hayden avec son style de pilotage, qui a vécu une année difficile de transition chez Ducati en 2009, ça promet peut-être pour le duo. Jamais Hayden n'avait aussi bien roulé sur ce tracé de Sepang. Donc c'est pas mal. Derrière suivent Edwards et Ben Spies, qui commencent à venir frapper à la porte du top 4. Il dit: attention messieurs, mon siège est prêt, est-ce que je vais pouvoir m'installer? Ça préfigure pas mal. L'absence de Lorenzo va-t-elle être quand même préjudiciable? On verra, parce que 18 et 19 mars ça roulera au Qatar pour des essais d'avant-saison, et peut-être qu'on risque de voir Lorenzo, mais rien n'est sûr pour l'instant pour le numéro 99. Ah, on l'a mis une plaque en titane, hein, je crois, dans la main. Exactement. Et alors qu'il a chuté à pas haute vitesse du tout en motocross. Ça rappelle un petit peu, mais c'était pas au même endroit. Physiquement, lui, c'était la cheville, la chute de Randy de Pugnet en entraînement. Exactement. En motocross. Exactement, la chute de Randy de Pugnet. Mais cela dit, effectivement, on a besoin. Alors ça, c'est une raison, c'est presque un débat dans cette scène du MotoGP. On roule quasiment pas l'hiver. Les pilotes, pour garder un peu de la motivation et puis également de l'énergie, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils bougent. Donc là, moi je dis que c'est préjudiciable au MotoGP. On roule que 6 jours avant le début du championnat, c'est quand même très très peu. On roule 2 fois à Sepang, ce qui est, Rossi a dit oui, mais moi je comprends pas. On devrait au moins aller à Sepang et à Phillip Island avant de revenir au Qatar. Et finalement, on est 4 jours sur les 6 sur le même circuit. C'est un petit peu embêtant. Et il est vrai que entre deux, parce qu'on roule pas trop, les pilotes vont faire autre chose, c'est déjà arrivé par le passé, bien sûr. Simoncelli, lui, est tombé pendant ses essais. Et une énorme carton. Énorme gadin. Il a été directement transféré à l'hôpital. C'est vrai qu'il découvre la catégorie. On se souvient de Simoncelli l'an dernier en 250, qui un petit peu, même Rossi, regardez, il va falloir qu'il se calme et qu'il recentre un petit peu ses efforts. Pourtant, il a le physique. Hein. Il est grand, il est fort. On le voyait mieux sur une grosse machine, sur une MotoGP, que sur une 250. Enfin, est-ce qu'il est encore sur le même rythme que l'an dernier, c'est-à-dire à se laisser porter par son talent seul? C'est peut-être possible. Et découvrir une catégorie là où il arrive, peut-être dans la succession digne de Valentino Rossi, ça fait beaucoup de choses quand même pour Marco, et va falloir surtout l'apprendre cette catégorie avant de pouvoir faire. Donc je rappelle quand même qu'il est en contrat avec le HRC Placé-Grésini, il reprend sur le nom d'Agresini, donc voilà. Structure privée quand structure même privée, mais comme Spies, hein, il a la même trajectoire qui l'attend devant lui que Ben Spies, mais attention parce qu'il est quand même dernier de ses essais, on va enlever les pilotes d'essai, les pilotes maison si on peut dire, dernier de ses essais, et puis ben, pour l'instant ça débute mal, et c'est vrai que la catégorie MotoGP, c'est ce que disaient également les pilotes l'an dernier, plus on va réduire les essais hivernaux, moins ça va être facile pour les débutants, bien sûr, à part Ben Spies. Parce que lui, c'est quand même la météorite. On va reparler de tout ça, naturellement, et puis surtout de Valentino Rossi, à l'évidence. Oui, et en plus, je crois que tu as un son à nous proposer. Exactement. Le tout dans quelques secondes dans Motors sur RMC. Plein de belles raisons pour rester avec nous, naturellement. RMC Motors avec Motors TV, Jean-Luc Roy. Et voilà, vous êtes toujours dans Motors, ces deux heures consacrées au sport mécanique sur RMC. Un vrai bonheur tous les dimanches de 12 à 14 heures. On a parlé beaucoup de 4 roues, vous le savez, de F1, d'endurance. On a parlé moto en ouverture de l'émission avec Jean-Claude Olivier, avec Stéphane Peter-Hansel et Christian Sarron. Et maintenant avec toi, Rodolphe, eh bien, on parle de MotoGP. Alors parlons de Rossi, justement. Rarement, peut-être, il a vécu d'intersaisons aussi dominatrices, en tout cas jusque-là, hein, avec des performances qui sont là. Et puis certains de ses adversaires handicapés ou blessés, comme Jorge Lorenzo, c'est peut-être celui qui l'a le plus bousculé l'an dernier. Ouais, c'est celui qui l'a le plus bousculé, mais il ne faut pas non plus omettre d'aller vérifier quelque chose. C'est-à-dire que Rossi, et si on revient un petit peu en arrière, et ses deux derniers titres prouvent qu'il est revenu, mais il a fallu qu'il se réadapte, qu'il mette une nouvelle façon de travailler et d'aborder la compétition, parce que c'est vrai qu'auparavant il choisissait son coéquipier, on lui a imposé Lorenzo, en plus de ça il a eu des problèmes, ça se passait moins bien, deux titres loupés en 2006 et en 2007 avec Hayden et Stoner, et puis on revient et puis là, finalement il est toujours là, hein. Ça c'est quand même le grand Valentino, mais derrière il ne faut quand même pas occulter quelqu'un d'autre qui fait le même travail. Casey Stoner, absent de 3 courses l'an dernier après une saison difficile, il revient, il domine entièrement la catégorie. Et pour le moment, on a tout revu au sein de l'équipe Ducati. Livio Supo est parti chez Honda. On a revu l'organisation avec deux team managers, et notamment l'ancien pilote d'essai Vito Guareschi, qui s'est permis le luxe d'essayer toutes les motos Ducati en piste, une à une. Et eh bien, on est en train de revoir l'organisation. Et ben, on va voir si ça porte. Parce que pour l'instant, quand on voit Stoner et Hayden, deuxième et troisième... Ah, ils sont bien hein, pour le moment. Hein. Ça prouve d'une part que la moto qui a été revue fondamentalement... Stoner, on le savait, mais Hayden, c'est quand même une nouveauté. Ouais, mais Hayden, quand même, il a toujours eu, quoi qu'il en soit, un très bon pilote. Et il a été capable de faire de belles choses. Premier podium l'an dernier à Indianapolis sur la Ducati, ça c'est quand même important. Et puis également, ben, on voit quand même que cette nouvelle Ducati, qui est différente de celle de l'an dernier, est en train de fonctionner pour deux pilotes avec un style de pilotage très différent. Et surtout Stoner, eh bien, qui a repris l'énergie et qu'on voit dans ses déclarations, on voit également dans sa façon d'aborder les choses qu'il est plus déterminé, peut-être pas forcément à aller battre Valentino Rossi, mais être le premier. Alors, tu parles de Stoner. Je crois qu'il faut revenir sur les perturbations, les troubles qui ont entaché sa saison 2009. On a l'explication, en tout cas, lui, il a l'explication maintenant. On a même parlé de problèmes psychologiques. Enfin, on a tout évoqué. On ne comprenait pas, lui non plus d'ailleurs. Il était désarçonné. Il est revenu plus fort que jamais, puisqu'on l'a vu faire une fin de saison absolument remarquable. Alors, Rodolphe, il y avait une vraie raison qu'un médecin a trouvé. Apparemment, il ne supportait pas les produits avec du lait, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est un ensemble de choses. Et puis, il y avait certainement une forme d'usure également dans sa façon d'aborder la compétition. Et puis, un espèce d'aboutissement après le titre. Tout ça mélangé qui a fait qu'il arrivait facilement à l'épuisement avec également une intolérance aux produits. Exactement. Alors, comme lui, on consomme beaucoup, apparemment. Ouais, oui, une sorte d'intoxication. Exactement. Absolument. Donc, c'est un peu ça qui a vraiment joué sur son métabolisme. Et c'est vrai qu'il était complètement épuisé. Puis après, il ressassait des choses. Pas bien. Il est revenu, il a reparlé également de Laguna Seca 2008, il a dit quoi qu'il en soit, même si Rossi gagne à Laguna Seca en 2008 et on a une bataille qui d'extérieur peut paraître fantastique, Rossi n'a pas été correct, il n'a pas été clair, et c'est mon point de vue, et je pense de toute façon que sa victoire, moi je l'ai vu de l'intérieur, je sais ce qu'il en est, donc maintenant il a fait, vraiment mis ça au rang des archives, mais cependant maintenant je pense que Stoner, avec tout ça de réglé, le bonhomme est presque en train de rentrer dans une phase de maturité également, c'est important. C'est également le plus de la catégorie MotoGP, c'est que le talent pur ne suffit pas, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et puis beaucoup prendre sur soi pour analyser. C'est ce qu'a fait Lorenzo, il est passé par là. Et c'est Stoner, après son titre incroyable de 2007, passe également par cette phase. C'est également le cas pour Rossi qui se voit happé par une nouvelle vague de jeunes arrivants. Spies va être un gros client cette année également, sauf problème. Et tout ça remet un peu l'échiquier en place. Alors Rodolphe, on a pu avoir une réaction de Rossi, un son de Rossi justement. C'est pendant les essais, c'était à l'issue de la première journée, Valentino Rossi. Aujourd'hui, c'était une très bonne journée. On est les plus vite jusqu'à maintenant sur la piste. Donc je suis très content. Ouais, évidemment, je confirme le feeling des premiers tests, que notre M1 est vraiment très bonne. Puis spécialement sur cette piste, hein, donc je suis très content, on doit continuer quand même de travailler. Voilà, maintenant on travaille sur des petits réglages, notamment du vieux châssis, et puis demain sur l'électronique. On a quelques petites choses à régler. Le jour est positif pour Valentino Rossi. J'en ai positif. Ouais, c'est vrai que pas de problème, il ne s'attendait pas, Valentino, à ce que Yamaha lui sorte un moteur aussi puissant, aussi rapide, et ça l'a agréablement surpris. Alors Rodolphe, si on revient sur la hiérarchie, Valentino Rossi, le plus rapide des 4 séances à ses banques, tu l'as dit, avec un temps formidable de 2 minutes tout rond ou pratiquement, qui pulvérise le chrono. Jorge Lorenzo, son équipier, blessé à la main, une plaque en titane, on espère son retour, mais c'est pas sûr hein, pour la prochaine séance. Ouais. Alors après, faudra carrément viser le premier Grand Prix, alors là, ça pourra être compliqué quand même pour Jorge. Alors, à l'inverse, même si on roule beaucoup moins que par le passé, on retrouve toujours la même hiérarchie, quoi qu'il en soit. Je pense quand même que Lorenzo, même s'il va devoir avoir une adaptation particulière sur le premier Grand Prix, s'il loupe les prochains essais, sera dans le coup, c'est-à-dire pas loin du top 5, voire du top 4, 3, hein, parce que c'est vraiment ça qui va se détacher. À noter également quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas forcément là, c'est Pedrosa avec une nouvelle moto. Hein. Absolument. Alors on va parler, tu l'as dit, Casey Stoner, Nicky Hayden, deuxième et troisième place, toujours de ses essais avec les Ducati officiels. Ensuite, Yamaha Tech 3, super, avec Colin Edwards, quatrième. On confirme, bien sûr. Le bienfait et Ben Spies, les deux Ricains, donc les deux Ricains qui roulent pour l'équipe française. Les deux Texans, effectivement. j'avais demandé à réponse Charles si à l'arrière du box on allait changer les scooters par des chevaux, il m'a pas répondu. Hein, mais là, c'est vrai que les deux Texans sont là. Alors, que vaut dans ce classement du top 5 l'absence de Lorenzo? Ça, c'est vraiment la question de ces tests de Sepang. On ne sait pas pour l'instant. À noter que sur la première journée, c'était Dovizioso qui s'était invité avec Loris Capirossi aussi. Mais il est vrai que là, on a de l'américain, de l'anglophone derrière Rossi. Même avec 241 millièmes d'avance sur Casey Stoner, je ne me rassurerais pas quand même à place de Rossi. Hein. Alors, sixième derrière, donc Edwards et Spies pour Yamaha, Tech 3. Capirossi, Loris Capirossi. Alors là aussi, les légendes ne meurent pas. Hein. C'est formidable de voir le vétéran Loris Capirossi, toujours l'homme le plus rapide avec une Suzuki en tout cas. Alors on attend de voir si Suzuki, parce qu'ils ont travaillé sur. Je te rappelle qu'on va avoir 6 moteurs pour la saison en 2010. Donc on a travaillé sur la façon de fixer ce moteur, la façon d'être toujours performant mais jouer l'endurance. Enfin, c'est compliqué un peu à comprendre. On va pas mélanger les mots parce qu'en moto ça joue beaucoup. L'endurance c'est pour les 24 heures. Mais là on passe vraiment d'endurance au niveau de la tenue et de la fiabilité du moteur. Hein. Parce qu'il va falloir avoir 6 moteurs pour la saison. Donc sinon on aura des pénalités. Capirossi en essai, qu'est-ce que ça vaut? On ne sait pas. Parce qu'on est sur une piste malaise à Sepang, tout le monde a des choses à prouver. Puis est-ce que, effectivement, cette moto. Enfin, il est dans le coup quand même. Oui, il est dans le coup parce que Bautista, 10e, son nouveau coéquipier, est également dans le coup. Donc on va voir maintenant si les simulations de course vont pouvoir porter leurs fruits sur la première course au Qatar. Alors on en vient à Honda parce qu'on en a très peu parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure. Dovizioso seulement 7e, Pedrosa seulement 8e. Chez Honda, quand même, on est un petit peu loin pour le moment, surtout qu'on a parlé de la chute de Simoncelli. Bon, Hiroshi Aoyama avec le nouveau team Honda est encore, alors c'est pas mal lui il débarque, mais il est 9e, les Honda un petit peu derrière quand même, soyons clairs. Ouais, et puis on peut effectivement ajouter ces machines Compé Clients dont De Pugnet fait partie, et puis également Marco Melandri, c'est derrière tout ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? On a des petits problèmes. Randy dit quand je freine, vraiment j'arrive, je sens rien, je sais pas du tout quand c'est ce que je dois freiner, j'ai pas de feeling avec l'avant, donc je sais pas comment inscrire la moto sur l'angle. Alors déjà qu'on est sur une moto Compé Client, moins compétitive sur le papier que la machine officielle, même si Honda a promis une vraie bonne machine, il faut dire quand même qu'on est en train de tout réorganiser chez Honda. Ça c'est quand même très important. Au niveau technique, au niveau du staff, on a recruté les vieux soupeaux pour la partie un peu commerciale et marketing, et puis surtout on a pris l'ingénieur de Honda F1, donc avant Brown GP en Formule 1, qui est venu s'occuper de chapeauter tout le HRC et partir pour s'occuper de tout le team Honda et arrêter de se faire botter le train comme ils se le font faire depuis pas mal d'années et éviter de récolter simplement 3 victoires à l'issue d'une saison. Ah ben là, il va falloir réagir, oui. De toute manière, c'est je clair. Je crois que peut-être pour l'instant chez Honda, on est plus en train de préparer 2011 que 2010, même si on attend toujours, on a fait pas mal de ménage. Beaucoup de techniciens sont partis, notamment le team manager ou le chef mécanicien plutôt d'André Dovizioso est parti chez Tech 3 en Moto 2. Donc on est en train de revoir et de remettre l'échiquier, espérons qu'il ne se loupe pas avec cette nouvelle monture. Alors, On va pas avoir le temps, Rodolphe, là, de parler de la nouvelle réglementation encore en gestation pour 2012, hein, éventuellement, où on reviendrait aux 800. Enfin bon, c'est compliqué. C'est encore un projet. Ça fera l'objet d'un autre débat. Est-ce qu'on peut dire un mot des Moto2, des essais qui se passent, ou pareil, bah, du côté de Tech 3, on se débrouille pas trop mal? C'est pas mal. Simplement sur le papier, on le rappelle, un moteur unique, ouais, des châssis libres, donc des motos absolument fabuleuses, une catégorie qui est vraiment prometteuse, des chronos qui font pas rêver. On a 4-5 secondes des temps des 250, donc pour l'instant sur le papier c'est pas génial. Et puis surtout, ouais, le petit bémol, c'est qu'on enlève un peu l'âme des grands prix. On prend des moteurs de série pour les mettre dans des châssis. On est un peu loin de l'idée des grands prix. Il fallait cela par rapport à toute une situation économique. Réduction des coûts, enfin c'était en tout cas. Et puis moteur. Allez, moi j'y crois temps. Pas bon. Forcément ouais, parce ouais, qu'en bon. Super sport, on a des moteurs plus performants, des machines assez performantes. Il aurait valu repenser ça autrement. Le business à un moment a ses limites parce que effectivement, la raison étant économique, faut pas quand même oublier l'essence des grands prix. On est en train de. Mais est-ce que ça préfigurera ce que sera le MotoGP plus tard, pourquoi pas? En tout cas, on voit des techniciens et pas mal de gens du MotoGP migrer vers le Moto2. C'est une très bonne chose et on attend avec impatience quand même que nos Français puissent également se jouer devant et que cette catégorie prouve son bien fondé. Et il y a Jules Cluzel, hein, bien sûr, qui roule dans cette catégorie. Quatrième temps, si je ne m'abuse, jusque-là, et Mac Di Meglio, également, huitième temps, Valentin ça, hein, de Bise aussi, ouais, qui va être là. Et effectivement, on va surveiller ces garçons. Et puis un team français, CIP, où travaille notamment Gilles Bigot avec des pilotes suisses et japonais. Et ben voilà, que du bonheur. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci d'être venu dans Motors. On a fait une belle page moto. Exactement. Hein. On s'est recalé, ça y est, on a rattrapé. Et puis j'en vois un qui piaffe d'impatience. C'est l'excellent Christophe Cessieux, le tout jeune papa fougueux. Il a encore l'œil ouvert, le Christophe. Il va vous le prouver dans Intégral Stuff. Intégral Sport, oula c'est moi qui fatigue, pour la dernière journée des JO, effectivement d'hiver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et rendez-vous la semaine prochaine pour Motors et puis la F1 qui démarre bientôt. Salut à tous.